إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثامن في دراسة كتاب الشيخ العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. Notre huitième rencontre autour de l'étude de ce livre de son éminence Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi hafidhahu Allah ta'ala, intitulé La source douce et abondante dans la critique des voies de la da'wa, des actes et des croyances. فنحن في الباب الرابع لم نتمم بعد الباب الرابع الذي عنوان له حفظه الله تعالى في ضمانة النجاة. Et nous sommes au quatrième, à la fin du quatrième chapitre, dont le titre de se garantir la voie pour être, le chemin pour être sauvé. وقال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن قص عز وجل عن نوح وإبراهيم ولوط وشعيب، قال وعاذا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذناهم بذنبهم، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه آية أخرى ساقها المؤلف لكي تبين لنا أن الذين تنكبوا واعترضوا وصد ولم يأخذوا طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام يحق بهم العذاب من عند الله سبحانه وتعالى. Voici un dernier verset ici. Voici un autre verset que nous cite Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dans Sourate Al-Ankabut, où il nous montre ce qui arrive, le verset nous montre ce qui arrive à ceux qui se détournent de la voie du messager alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, après avoir parlé de Nuh, de Ibrahim, de Lot et de Shu'aib, la citation nous dit ceci: I'adi Thamud. Et vous savez ce qui leur est arrivé par les ruines, leurs ruines qui sont restées. Shaitan leur a embelli leurs actes. C'est-à-dire que Shaitan leur a embelli les actes qu'ils faisaient. Shaitan les a embellis jusqu'à ce qu'ils ont cru que leurs actes, c'est la révélation. Et Shaitan, on leur embellit sans leurs actes, il les a détournés de la voie. Qaroun, et Fir'aoun, et Haman, Moussa, alayhi salatu salam, leur a ramené des éclaircissements. Et ils étaient orgueilleux sur cette terre. Et tous, Allah subhanahu wa ta'ala, par leur péché, il leur a envoyé un énorme châtiment. Et parmi eux, ceux qui ont été engloutis sous terre, et ceux qui ont été engloutis sous l'eau. Et c'est ce qui arrive à ceux qui sont injustes. فَيَقُولُ الشَّيْخُ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَمَا قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبَأَ هَذِهِ الْأُمَمِ وَصُوَرَ إِهْلَاكِهِمْ وَبَيَّنَ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ وأنه تكذيبهم لرسلهم وعصيانهم لهم وتمردهم عليهم إلا ليتعظ بهم من بعدهم ممن تبلغهم هذه الأخبار، ويعلمون أن الخير في طاعة الله ورسوله، وأن الشر كله في معصية الله ورسوله، وأن الدرجات العلى في الجنة لا تنال إلا بذلك. Et Cheikh de nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités, nous a parlé de ces peuples, il nous a annoncé leurs nouvelles et ce qui leur est arrivé et comment ils ont été, comment ils ont péri et le châtiment qu'ils ont reçu. Et tout ça à cause de quoi ce châtiment? Ils ont reçu ce châtiment parce qu'ils ont démonté leur messager alayhi salatu wasalam. Ils ont désobéi à leur messager alayhi salatu wasalam. Ils se sont révoltés contre eux, contre leur messager alayhi salatu wasalam. Ils ont donné le dos au message qu'ils leur ont ramené. Et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a compté dans le Coran et par l'intermédiaire de Muhammad alayhi salatu wasalam pour que ceux qui reçoivent ce message et qui élisent ces nouvelles, qu'ils fassent le bien, qu'ils prennent comme leçon ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé aux autres peuples, nous devons le prendre comme leçon pour ne pas tomber dans le même chemin qu'eux, et pour prendre la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, et pour obéir à Allah et obéir à son messager alayhi salam, et s'éloigner du mauvais chemin, et pour savoir que tout mal et toute désobéissance à Allah Azza wa Jal ne ramène que la colère d'Allah Azza wa Jal, et que tout agrément et le fait d'être élevé dans ce bas monde et dans le delà ne peut être obtenu que dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Fa fi sahihayn min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna ahla al-jannati la yatara'awna ahla al-ghuraf min fawqihim kama tatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fi al-ufuq min al-mashriq aw al-maghrib لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهم جميعا. Et voici un hadith que nous cite Cheikh ici dans les authentiques du hadith d'Abi Saïd al-Khudri رضي الله عنه. Il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام un jour leur a dit que les gens du paradis, les habitants du paradis, se voient les uns les autres. Ils vont voir ceux qui sont à l'étage supérieur. Ceux qui sont à l'étage inférieur verront ceux qui sont à l'étage supérieur comme nous on voit l'étoile dans le ciel. Comme on voit l'étoile dans le ciel lointain, ben si ça va être aussi chez les gens du paradis, ils vont voir ceux qui sont plus haut qu'eux, dans le lointain comme ça à l'horizon. Et les compagnons du prophète, pourquoi? Parce que par rapport aux actes. Donc ils sont à des étages supérieurs, et d'autres sont à d'autres étages plus supérieurs qu'eux, chacun par rapport aux actes, aux bonnes œuvres qu'il a fait. Certains vont arriver jusqu'à le Firdaus al-A'la, et d'autres vont être à des étages moindres. Et les compagnons ont dit à Rasulullah, ça c'est la place des prophètes alayhi salatu wasalam, que ne peut atteindre ces places que les prophètes alayhi salatu wasalam. Il a dit non. Il a fait le serment par Allah Azza wa Jal. Il dit des gens qui ont cru va arriver à ces degrés-là, à ces hautes sphères du paradis et à ces hauts étages du paradis, des gens qui ont cru en Allah et qui ont pris comme véridique les messagers alayhi salatu wasalam. Des gens qui ont cru en Allah et qui ont pris comme véridique les messagers alayhi salatu wasalam. فهذه هي ضمانة النجاة وهذا هو سبيل الفوز وهذا هو طريق الفلاح اتباع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه من غير التفات ولا تأرجح ولا استحسان للبدع ولا أخذ بما قال فلان أو فلان. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الشيخ دونوزير ça c'est la voie pour se garantir le fait d'être sauvé, c'est la voie pour gagner, pour le grand gain. Et si la voie de la réussite, c'est le fait de suivre ce qu'il y a dans le livre d'Allah Azza wa Jal et de suivre l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, sans se tourner vers les intérêts du moment, où là, fait dire des actes, ça c'est un bon acte de soi-même. Là, il faut qu'il y ait un suivi. Et sans prendre de la parole de tel ou de tel, il est des gens, Allah Ta'ala, même s'ils ont perdu la raison, là, s'ils l'ont, un homme qui est. C'est l'emblème du Jama'at Tabligh en France. Et dans une assemblée où il y a du monde, il jure ainsi. Il dit par Allah, par Allah, par Allah. Si une œuvre est bonne, il faut la faire, même si le prophète ne l'a pas fait. Devant une grande assemblée, dans une mosquée, au milieu des gens, même les awam, ils ont dit mais c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ils jurent Subhanallah. Comment on peut avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal? Comment un acte peut être bon alors qu'il n'est pas dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? C'est impossible. L'acte bon, c'est celui dans lequel il y a les conditions. Comme nous l'avons vu hier, la sincérité et le suivi. Et un acte qui n'est pas dans le suivi, il n'est pas bon. Il n'y a pas la sincérité dedans, il n'est pas bon, c'est impossible. Que Shaitan embellit ce qu'il veut embellir. Mais l'acte ne sera bon que s'il est dans la sincérité et dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et chire de nous citer ce verset et de dire, ça c'est ma voie droite, suivez-la, ne suivez pas les chemins, et ces chemins vont vous disperser du bon chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule voie droite, c'est celle que tu demandes tous les jours dans ta prière. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ce que tu as comblé de ses bienfaits. Et cette voie, c'est la voie du messager alayhi salatu wassalam. C'est pas ma raison qui me dit cet acte est bon et je le fais. Loin de là. C'est pas mon cheikh, il a dit ça c'est bon, je le fais. Loin de là. Ou le théoricien du groupe, il a décrété mais non, pour l'intérêt du groupe, pour l'intérêt de la jama'a, pour l'intérêt de ceci. Loin de là. La voie droite, c'est la voie droite. Peu importe. Il est décrit dans la parole d'Allah, Azzawajal, et dans l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et en dehors de cette voie, ce n'est qu'égarement et déviation. وَقَالَ أَيْضًا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Il nous cite ce verset dans Sourate Fussilat. Et le verset nous dit ceci. Ceux qui ont dit que Allah est leur Seigneur et le seul qu'ils adorent, ils ont pris la voie droite. Les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur. Ne soyez pas attristés. Et on vous annonce le paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde et dans le delà. Et dans le delà, vous avez tout ce que dont vous aviez envie. Et tout ce que vous voulez, vous l'aurez là-bas, dans une bonne demeure. Ça, c'est l'annonce de ceux. Staqamu. Ils ont été droits dans le chemin tracé par Allah et par son messager, alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas à être attristés au moment où leur âme va sortir. Ils n'ont pas à être attristés dans ce bas monde. Ils n'ont pas à être attristés de ce qui leur a manqué de ce bas monde. Hein? Et dans le delà, ils vont que des bonnes nouvelles. Et tout ce qu'ils n'ont pas eu dans ce bas monde, ils l'auront au mieux. Dans le delà, leurs alliés dans ce bas monde et dans le delà, ce sont les anges. C'est Allah Azza wa Jal et les gens de Chi, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى dans l'authentique, hein, dans le hadith authentique, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit tous vous allez rentrer au paradis sauf ceux qui le refusent. Ils ont dit à Rasoulullah qui le refuse, écoute bien, il a dit celui qui m'obéit rentrera au paradis, celui qui me désobéit a refusé. Ça veut dire, si tu suis le prophète, alayhi salatu wassalam, tu as obéi. Donc, dans ces cas-là, le paradis. Et si tu dis, obéi au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu amènes des actes qu'il n'a pas fait. Tu innoves dans la religion. Tu ramènes des moyens pour dawa qui n'en sont pas, qui sont illicites. Et qui ne sont pas légiférés. Hein? Et qui ne sont pas, compatible avec la législation de Allah Azza wa Jal, ben il est évident que dans ces cas-là, tu as refusé. Tu n'as pas obéi à Muhammad alayhi salatu wassalam parce que tu n'as pas suivi son chemin. فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ ضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Et fait cher d'attirer notre attention, dit attention, faut pas que tu sois comme celui À la fin, qui va dire, il cite cette citation, dit le Coran, le jour il va où l'injuste va mort sur ses doigts, il va dire, malheur à moi si j'avais pris le chemin du prophète, alayhi. Si j'avais pris le chemin du prophète, alayhi. Malheur à moi, pourquoi j'ai pris tel comme intime, comme ami intime? Il m'a égaré de la révélation. Il m'a égaré après que la révélation m'est venue. Et Shaitan, il est là pour détourner les personnes. Donc, Hada, il faut prendre le chemin du prophète, alayhi salam. Il faut faire très attention aussi à l'intime que tu as avec toi. Si c'est un intime qui est sur la sunna et qui se cramponne à la voix de ses pieux aïeuls, va remercier Allah Azzawajal. Si c'est quelqu'un qui t'attire vers l'innovation, vers le fait d'adhérer à des principes d'un groupe ou d'un parti, éloigne-toi de lui, parce que le jour de la résurrection, tu vas te mordre les doigts. Pourquoi j'ai pris un chemin? Pourquoi je l'ai suivi? Pourquoi j'ai délaissé le chemin du prophète, alayhi salam? Ni les principes fondamentaux de Jama'at Tabligh vont être utiles à ce moment-là, ni ceux de Hassan al-Banna pour l'Ikhwan, ni ceux de l'Qutbiyya, ni ceux de Sururi, rien du tout. Il te faut le principe, le principe fondamental qui est le suivi du prophète, alayhi salam, et l'obéissance à Mohammed, alayhi salam, et la compréhension du livre de la Sunna et de l'authentique, du livre d'Allah et l'authentique de la Sunna, selon la compréhension des plusieurs d'Allah, alayhi. Il a mis en application, selon la voie de nos plusieurs, d'Allah alayhim, il faut que tu sois derrière les hommes de science. Et non pas derrière les théoriciens de groupe. Hein, et les fondateurs de théories, etc. فَقَوْلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرْعُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى رَأِي إِمَامِ الْمَذْهَبِ وَرَئِيسِ الْحِزْبِ وَشَيْخِ الطَّرِيقَةِ وغيرهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. La parole du prophète عليه الصلاة والسلام. Et sa législation, c'est elle qui doit avoir la priorité dans notre vie. Devant l'opinion de l'imam du madhhab, ou là devant l'opinion du président du parti, ou la chair de la secte, etc. La parole du prophète عليه الصلاة والسلام passe avant tout. Et les imams qui étaient des savants éducateurs de cette communauté, qui ont conseillé comme il se doit cette communauté, comme l'imam Ahmad, rahmatullah alayh, l'imam Malik, Abu Hanifa, ou Shafi'i, rahmatullah alayh, ou l'Auza'i, les grands imams de cette communauté, qui sont les montagnes de science, et qui sont les éclaircissements, leurs paroles, leurs interprétations, est un éclaircissement, hein, de ce que veut Allah, azzawajal, et de ce que... Hein, à dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils nous orientent vers ça. Il dit, quand le hadith est authentique, c'est notre voie. Si j'ai dit une chose, l'imam, il dit, parmi ces grands imams, ils sont tous unanimes sur cette parole. Si je dis quelque chose, et qu'il y a un hadith, et que ma parole est contredit le hadith, vous plaquez ma parole contre le mur, et vous mettez en application le hadith. Hein? Ah, ce sont les hommes qui ont volé le conseil, non pas comme celui-là qui se lève au milieu des gens et dit par Allah, c'est un acte et bon, et même si le prophète ne l'a pas fait, il faut le faire. Regardez la différence entre ceux qui ont la science et ceux qui orientent la communauté vers la voie de son salut, de là où il va être sauvé, de là où il va être épargné de la colère d'Allah Azzawajal, de là, ils l'orientent vers là où ils vont avoir leur gloire, dans ce bas-monde et dans le-delà, et vers ceux qui appellent la communauté à l'égarement. Il y a un fossé énorme entre les deux. Et donc la parole du prophète alayhi et sa législation doit avoir la priorité dans notre vie. Devant tout. Elle est au-dessus de tout. Parce que Allah Azzawajal, dans sourate Al-Hujurat, le premier verset, il dit, ô vous qui avez cru, nous devons, c'est rien. Devant Allah et devant son messager, alayhi salatu wa sallam, préserver les droits d'Allah, azzawajal. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, entend et sait. Ne mettez rien. Ne décrétez rien avant que Allah, subhanahu wa ta'ala, le décrétait. N'ordonnez rien avant que Allah, subhanahu wa ta'ala, son messager l'ait ordonné. وكان سبب نزول هذه الآية أنه لما جاء وفد تميم قال أبو بكر رضي الله عنه أمر فلانا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر فلانا فتراجع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت صوتهما فأنزل الله آيات من أول سورة الحجرات يؤدب بها عباده أن يتقدموا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم أو يقدموا غيره. La cause de la révélation de ce verset est très importante. Ces versets sont descendus au moment où la délégation du Tamim est arrivée chez le prophète alayhi salam. Et au moment où ils allaient partir, Abu Bakr Siddiq l'a dit, mais comme émirent-ils telle personne? Omar ibn Khattab lui a dit, non, mais comme émirent-ils telle? Et ils ont commencé à élever la voix devant le prophète alayhi salam, en disant rien, mais tout simplement, chacun voulait que Abu Bakr Siddiq a choisi un émir et Omar ibn Khattab a choisi un autre. Leurs voix se sont élevées devant le prophète alayhi salam. Le verset est descendu pour éduquer les meilleurs de la communauté et pour nous éduquer avec que nous ne devons rien devancer avant devant la parole d'Allah et devant l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Rien. On ne doit rien mettre en avant. La parole d'Allah, Azzawajal, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, c'est elle qui doit prendre le dessus sur tout. فهذا الباب باب عظيم باب عظيم يضمن للإنسان النجاة ولا بد من الاتباع لتحقيق النجاة. Ce quatrième chapitre de ce livre est un chapitre qui est très important. Il te montre comment arriver à te sauver, comment te garantir et comment être sur la voie qui te permettra d'avoir l'agrément de Allah Azza wa Jalla et qui va te sauver du châtiment de Allah Azza wa Jalla et de la colère de Allah Azza wa Jalla. Il en dit que il faut, pour arriver à être sauvé, il faut suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Il faut être dans la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Car najat, car sunna safinatu nuh. Sunna, c'est l'arche de Nuh alayhi salatu wassalam. Celui qui la monte, il est sauvé. Ceux parmi les croyants qui ont répondu à l'appel de Nuh alayhi salatu wassalam sont sauvés. La même chose pour nous maintenant. On veut être sauvé, il faut appliquer la sunna, suivre Muhammad alayhi salatu wassalam, suivre l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Et comme il a dit l'imam Malik rahmatullah alayhi, ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Nous voulons être sauvés de la bassesse dans laquelle nous sommes. Nous voulons l'honneur, nous voulons la suprématie. Il faut revenir à la voie de nos plusieurs doigts, Allah alayhi. Sans ça, ni libération de Palestine, ni libération d'Irak, ni d'Afghanistan, ni rien du tout. Même nous, on n'est pas libres. Si on ne revient pas à la voie de notre prophète, alayhi salatu wassalam, si on ne revient pas à la religion sur laquelle était Muhammad alayhi salatu wassalam et ses compagnons, la voie sur laquelle dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle je suis moi aujourd'hui, moi et mes compagnons, c'est celle-là qui donne. C'est celle qui libère les esprits. C'est celle qui fait de la personne qu'il suit les ordres d'Allah et les ordres et la voie de son messager alayhi salatu wassalam. Il ne suit pas la théorie de tel ou de tel ou les principes fondamentaux de tel ou de tel. C'est ça qui ramène. Et on aura beau pleurer sur la Palestine et sur autres, si on ne revient pas à la voie du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y aura rien du tout. Comment tu pleures sur la Palestine? Et des choses que tu peux faire, tu ne les ramènes pas. Te laisser pousser la barbe, retrousser ton pantalon, remonter ton pantalon au-delà de ta cheville, tu peux le faire. Aligner les rangs dans la mosquée et coller les pieds les uns aux autres, tu peux le faire. Et pourtant ça, tu ne le fais pas. Et tu veux ramener quelque chose de grand à la communauté, c'est impossible. On ne peut arriver à l'agrément de Allah Azza wa Jal que si on donne à Allah Azza wa Jal ce qu'il veut de nous. La promesse d'Allah Azza wa Jal pour nous élever, pour nous donner la suprématie, pour dissiper la peur qu'il y a sur nous et l'insécurité qu'il y a sur nous, il n'est que dans le fait de mettre en application ce que veut Allah Azza wa Jal et ce que veut son messager alayhi salatu wassalam. Dans le monothéisme et dans la sincérité pour Allah Azza wa Jal et dans le suivi de son prophète alayhi salatu wassalam. Regarde nos rangs, ils disent, oui, mais regardez, on est divisé. Non, il faut réunir les gens. Sur quoi tu veux les réunir? Tu ne peux pas les réunir et akhal islam. Si tu veux les réunir sur les idées de tel ou tel, c'est impossible. Il dit, viens, on fait des rangs compacts, comme a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, des rangs, des gens qui collent leurs chevilles contre leurs chevilles, des gens dans la prière, ils rentrent dans la prière comme un mur, ils constituent un mur. Cheville contre cheville, épaule contre épaule, genou contre genou. Hein? Pour avoir le bunyan al-marsous, cette construction compacte, imbriqués les uns dans les autres. Et si on ne l'a pas, alors le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua. La tusawunna sufufakum, ou la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum. Où vous allez faire des ronds droits, Allah, il va diverger vos cœurs. Et c'est un dua. Hein? Et il te dit, non ça, mais c'est pas le moment, il faut pas encombrer l'esprit des gens avec ça, il faut pas perturber les gens avec ça. Si on les perturbe pas avec ça, ça tu appelles ça une perturbation toi. Si on les oriente pas vers ça, comment veux-tu avoir la suprématie? Comment veux-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes, pour sortir de l'avilissement duquel nous sommes? Comment tu veux qu'on le fasse? Parce que le fait de mettre en application ce que t'ordonne le prophète, c'est une obéissance à Allah et à son messager, et si justement l'obéissance à Allah, dans le monothéisme, et dans la sincérité, et dans le suivi du prophète, c'est ça qui ramène la gloire et la suprématie. Et si tu ne l'as pas, on est perdu. On a beau chanter, on a beau crier sur les toits, on a beau utiliser ce qu'on veut, c'est rien du tout. On n'arrivera à rien. Parce qu'il faut prendre conscience de ce point essentiel sur lequel Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah n'arrêtait pas durant 60 ans d'yel dawa et plus, n'arrêtait pas d'attirer l'intention de la communauté sur ça. Sur la sincérité et le suivi, sur la compréhension du plus aïeul, la voix du plus aïeul d'Allah alim, qu'il n'y a que ça. Et tant qu'on n'a pas digéré ce message et pris conscience de ce message et mis en application ce message, la situation restera telle qu'elle. Interrogable. Combien de millions de personnes se trouvent à la Mecque pendant Ramadan, pendant le Hajj? Combien de dua ils font contre les ennemis d'Allah Azza wa Jal? Depuis combien d'années? Parce qu'il faut aussi des conditions pour que le dua soit exaucé min Allah. Tout va. فهذا الباب الخامس عقده الشيخ حفظه الله تعالى في بيان منهج الرسل في دعوته من الله عز وجل. Voici le cinquième chapitre que Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a fait pour désigner la voie du messager alayhi salatu wassalam dans Da'wa ilallah. Da'wa ilallah selon la voie du plus aïeul d'Allah alayhi. C'est un énorme. Le cinquième chapitre dont l'éclaircissement, ce chapitre nous éclaire comment les messagers alayhi salatu wassalam ont fait la da'wa vers Allah Azza wa Jal. فهذا من أهم الأبواب التي ينبغي للإنسان أن يتأمل فيها بيان منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله. هذا المنهج الذي أصبح نسيا منسيا عند الكثير من الجماعات والطرق والأحزاب. وإن شاء ربنا سنتناول بالدراسة كتاب العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الدعوة فيه الحكمة والعقل. Ce chapitre est très important. Nous éclaire sur la voie dont la da'wa des messagers alayhi salatu wassalam. Cette voie qui a été négligée par beaucoup de groupes et par beaucoup de sectes et par beaucoup de partis. Beaucoup l'ont oublié, la voie des messagers alayhi salatu wassalam. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie, nous allons étudier un livre dans ce sens-là, qui est un noble livre de son éminence Cheikh Rabi Hafidhahullah ta'ala. Le titre du livre, c'est « La voix des prophètes et des messagers alayhi salatu wassalam dans da'wa ». Dedans, dans cette voie-là, il y a la raison et la sagesse. Fayaqul Cheikh Hafidhahullah ta'ala, لقد بين الله عز وجل منهج الرسل في دعواتهم بينه في القرآن الكريم أحسن بيان وأوضحه فبين أنهم أول ما يبدأون به ثلاثة أمور هي أسس العقيدة وهي Et Cheikh Ahmed Najmi Hafidhahullah Ta'ala de nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairé sur la voie du messager alayhi salatu wassalam dans leur da'wa. Il nous a éclairé sur cette voie dans le Coran, d'un des meilleurs éclaircissements. Et il nous a montré comme quoi le premier point, le premier principe par lequel il commence par trois choses, par trois principes fondamentaux, qui sont des bases dans l'aqidah, qui sont les bases de l'aqidah. وَهِيَا أَوَّلًا التَّوْحِيدِ وَهُوَ يَعْطَاهُ الْعُبُودِيَةِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ دون من سواه من الآلهة المصطنعة التي يتخذها الناس ويصرفون لها الدينونة والعبودية معتقدين أنها تنفع وتضر وتمنع وتعطي وتعز وتذل. Le premier fondement, parmi ces trois fondements, c'est le monothéisme. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. C'est le fait, tout acte d'adoration, de le vouer à Allah Azza wa Jal. Hein? Alors que beaucoup de gens vouent leur culte à autre qu'Allah Azza wa Jal, ils croivent que autre qu'Allah Azza wa Jal ramène le bien ou donne le mal, etc. Et ils croivent que c'est ça qui fait leur gloire ou là qui les avilit. ويقول حفظه الله تعالى الأساس الثاني المعاد وهو الإيمان باليوم الآخر وما يحتوي عليه من حساب وجزاء وجنة ونار وأنواع نعيم الجنة وأنواع عذاب النار. إلجي حفظه الله تعالى. La deuxième base, le deuxième pilier de la da'wa du messager alayhi salatu wassalam, c'est le fait de croire en l'au-delà, en le jour, en l'au-delà. Et ce qu'il contient, ce jour, il y aura les comptes, il y aura la récompense, le châtiment ou le paradis. Il y aura les noirs et toutes les formes du délice, du paradis, toutes les formes hein, du châtiment qui existe en enfer. Il faut croire en tout cela. Le châtiment de la tombe, bien sûr, hein? Les épreuves de la tombe, tout ça rentre dans la croyance en le jour du delà. ويقول حفظه الله تعالى الأساس الثالث الإيمان بالرسالات السماوية وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم الأدلاء على الله والمرشدون إلى سبيله لا ما خلفه الآباء ولا ما قررته الأعراف ودانت له المجتمعات والأدلة على أن الرسل أول ما يبتدئون في دعواتهم بهذه الأمور الثلاثة ما قصه الله عز وجل علينا في الصور المكية من الحوار الذي جرى بين الرسل وأممهم وتقرير القرآن لهذه الأسس والاستدلال عليها بأنواع من الأدلة العقلية والكونية وغير ذلك. Et il dit le troisième fondement dans la da'wa du messager alayhi salatu wassalam, c'est le fait de croire en les messages qui sont arrivés min Allah azza wa jal. Et que les prophètes alayhi salatu wassalam, ce sont eux qui guident les gens vers Allah azza wa jal. Ce sont eux qui orientent les gens vers la voie d'Allah azza wa jal. Et non pas les voies sur lesquelles on trouve les parents, ni ce qui a été fait par ce qui se fait dans les coutumes des gens et les choses pour lesquelles les gens se sont réunis dans une société ou là, si tu veux, les principes d'un groupe ou autre. Hein. Mais ceux et ceux les messages alayhi salatu wassalam, les messages alayhi salatu wassalam avec leurs messages, c'est elle qui nous oriente, c'est ce message qui nous vient de Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire du messager qui nous oriente vers Allah Azza wa Jal. Et non les coutumes d'une société ou autre, ou de la sociologie, ou de la philosophie, ou de la autre, quoi que ce soit de ce style. Et il dit que la preuve comme quoi les messagers, alayhi salatu wassalam, la première chose par laquelle les preuves comme quoi. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, leur da'wa est basé sur ces trois piliers principaux. Elle dit ce que nous a conté Allah, Azza wa Jal, dans le Coran, dans tout le Coran de la Mecque. Toute la révélation qui a été révélée à la Mecque. Hein, et le débat qu'il y a eu entre les prophètes alayhi salatu salam et les communautés dans lesquelles ils ont été envoyés. Et le Coran confirme ces bases fondamentales sur lesquelles est basée la da'wah des messagers alayhi salatu salam. Et il ramène des preuves. Dans le Coran se trouve les preuves pour ces trois bases principales dans la da'wah des messagers alayhi salatu salam. Il y a des preuves de la raison, il y a des preuves dans l'univers et dans la création, et d'autres, et des preuves aussi dans la fitra, dans ce qui est inné dans la personne. Fa hadi al-usus hiya allati qamat 'alayha da'wat an-nabi fi Mecca. Alayhi salatu wassalam. At-tawhid wal-ba'th wal-risala. Wal-Qur'an al-Makki يدور على تقرير هذه الأصول ثلاثة: التوحيد أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، والبعث الإيمان باليوم الآخر والحساب والجنة والنار، والإيمان بأن النبي مرسل من الله عز وجل. Ces trois principes fondamentaux qu'a cité le cheikh ici au début de ce paragraphe sont les trois principes sur lesquels a été accomplie la da'wah de Mohammed alayhi salatu wassalam à la Mecque. La base, le monothéisme, le fait de croire en la résurrection et le fait de croire en le message. Et le Coran de la Mecque, tout ce qui était révélé à la Mecque, tourne autour de ces trois sujets. Et confirme ces trois sujets. Et ancre ces trois sujets dans l'esprit des gens. Le monothéisme qui n'est digne d'être adoré qu'Allah, qu'il faut réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, la résurrection, le fait de croire en l'au-delà et tout ce qui va avec l'au-delà, le châtiment de la tombe, la résurrection, les contes, le paradis, l'enfer, et ainsi de suite. Et le troisième principe, c'est le fait de croire que le prophète alayhi salatu wassalam est envoyé min Allah azza wa jal et qu'il est véridique. Il doit le prendre comme véridique. Les trois principes, les trois piliers sur lesquels Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a basé sa da'wa à la période mécoise. فكفار مكة أنكروا التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وأنكروا البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وأنكروا الرسالة والآن سيشرع المحلف حفظه الله تعالى في ذكر الأدلة القرآنية والنبوية على هذه الأصول التي يجب أن تكون عليها مناهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهي التوحيد والمعاد والرسالة. Et les mécréants de la Mecque ont donné le dos au monothéisme. Le Coran parle d'eux ainsi, hein? Est-ce qu'il a fait que les divinités soient une seule divinité? Est-ce qu'il veut qu'on adore qu'un seul Dieu? Ceci est une situation extraordinaire. Hein? Ils n'ont pas reconnu aussi la résurrection. Il y a cette citation qui dit, il nous a donné un exemple, il a oublié sa création, et il a dit qu'il va faire revivre cet os qui est devenu poussière maintenant. Dis-lui que Allah, subhanahu wa ta'ala, qui l'a créé la première fois, il le fera revivre. Et ceci est facile pour Allah, azza wa jalla. Ils n'ont pas cru en le message de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et à partir de maintenant, Cheikh Ahmed Hafidhahullah Ta'ala va commencer à nous citer les preuves du Coran et les preuves de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam sur ces trois bases sur lesquelles doit s'accomplir toute da'wah qui veut réussir. Toute da'wah qui veut réussir, il faut qu'il s'accomplisse sur ces trois bases fondamentales, à savoir le monothéisme, le fait de croire en l'au-delà et le croyance en le messager عليه الصلاه والسلام. فمن الادله يقول الشيخ احمد حفظه الله تعالى فمن الادله على الاساس الاول ومعالجه القران له وتقريره اياه وانكاره على المشركين اتخاذ الالهه المصطنعه التي لا تستطيع ان تنفع احدا او تضره وهي كثيره منها قوله تعالى واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون انفسهم ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. Il dit parmi les preuves sur le premier pilier, c'est ce que confirme le Coran et ce que nous cite le Coran, quand ils blâment les associateurs, quand ils ont pris des divinités, en réalité qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ces divinités qui ne peuvent ni le bien ni le mal, ils ne peuvent rien faire. Hein? Et ces preuves sont nombreuses dans le Coran. Et cher de nous citer dans Surat al-Furqan, ils ont pris en dehors d'Allah des divinités qui ne créent rien. Et ces divinités elles-mêmes sont créées. Et ces divinités ne peuvent rien pour eux-mêmes, ni le bien ni le mal. Hein? Ils ne possèdent ni la mort ni la vie, ni la résurrection encore moins. قال ايضا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا اي ان الكافر عاون الاوثان وظهر على ربه وصار عدوا لربه عز وجل اي cette citation aussi dans sourate al-furqan parle d'Allah عز وجل c'est lui qui a créé de l'eau un être humain. Et il a créé une relation familiale, une relation de sang, hein, une relation familiale par leur mariage, par entre les humains. Allah subhanahu wa ta'ala a toute la puissance. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut rien pour eux, ce qui peut ni ramener un bien, ni leur donner un mal. Et il dit, le mécréant. Et le mécréant était un ennemi d'Allah, azza wa jal. Et l'aide, les statues, est-ce qu'ils s'adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal, hein? Et ainsi il devient l'ennemi d'Allah Azza wa Jal, il encourt la colère d'Allah Azza wa Jal. وقال في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز dans سورة الحج cette interpellation ô gens un exemple vous a été donné écoutez cet exemple ceux que vous adorez en dehors d'Allah et ceux à qui vous demandez en dehors d'Allah ne créent même pas une mouche, même s'ils se réunissent tous pour créer une mouche. Et si la mouche leur prend quelque chose, ils ne peuvent même pas sauver cette chose. Dans ces cas-là, et celui qui y demande et celui à qui on demande sont faibles, tous les deux. Et ainsi, ils n'ont pas estimé la grandeur d'Allah Azza wa Jal comme il s'y est à la grandeur d'Allah Azza wa Jal, comme il s'y est à la majesté d'Allah Azza wa Jal. وقال تعالى في سورة فاطر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Et aussi une autre interpellation dans Sourate Fatir. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala sort de la nuit le jour et du jour la nuit. Et il a mis au service de l'être humain et de cette dunya, hein, le soleil et la lune. Le soleil pour donner le jour et la lune pour éclairer la nuit. Et tout ça bouge avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est votre Seigneur qui a la royauté complète. Et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne possèdent rien du tout. Pas un atome de quelque chose, ils le possèdent. Ils ne possèdent rien. Et si vous leur demandez, ils ne vous entendent pas. Et si même ils vous entendent, ils ne vont pas vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils vont mécroire. Ils vont rejeter votre associationnisme. Hein? L'associationnisme que vous avez accompli. Lorsque vous les avez adorés, ils vont vous rejeter votre adoration. Donc ils vont vous désavouer. Hein? أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الله دي إلى أن نزسيت ستتاسيون سي الشيخ حفظ الله تعالى dans le verset la sourate ديال العنكبوت la غينية. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple ici. l'exemple de ceux qui prennent une divinité en dehors d'Allah et les prennent comme alliés, ceux-là, c'est comme celui qui prend la toile d'araignée, comme la maison de l'araignée. Et la maison la plus vile et celle qui le protège de rien du tout, c'est la maison de l'araignée. S'il savait, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que ceux que, à qui vous demandez en dehors de lui n'ont rien. N'ont rien. C'est comme celui, il veut se protéger de cela, il va sur la toile d'araignée. Qu'est-ce qu'il va se faire? Rien du tout. Mais la même chose pour celui qui adore autre qu'Allah, Zawaj, il ne peut rien pour lui. Il n'a rien. Comment veux-tu qu'il te donne quelque chose? Ça, ce sont des exemples qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux gens, mais ne méditent et ne comprennent ces exemples que ceux qui savent. وكما قرر الله عز وجل عجز الآلهات التي يدعوها المشركون ضعفها وعدم قدرتها على شيء وإن قل من نفع من يدعوهم أو ضره وأنهم لا يملكون شيئا وإن قل حتى القطمير والفتيل والنقير. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah azza wa jal et les tombes à qui ils demandent, ou les statues à qui ils demandent, qu'ils ont pris comme divinité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a confirmé la faiblesse et l'incapacité de ces divinités. Et que ces divinités ne peuvent rien. Ils ne peuvent ni donner le bien, ni donner le mal, même pour eux-mêmes. Un atome, quelque chose de minime, ils ne peuvent rien du tout, ils n'ont rien. قرر أيضا أن الرسل ما كلفوا أن يبدأوا بشيء غير الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. Et aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé, comme quoi ces divinités qui s'adorent en dehors d'Allah azza wa jal, c'est nul, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Il nous a confirmé aussi dans le Coran que le messager alayhi salatu salam, la première chose qui leur a été ordonnée, vers laquelle doivent faire l'appel et la da'wa, c'est le monothéisme. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, Azzawajal. C'est le fait de sortir les gens des ténèbres de l'associationnisme pour les ramener vers la lumière du monothéisme. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قوم إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Dans une situation dans sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette image de Nuh alayhi salam. Il dit, nous avons envoyé Nuh à son peuple. Il a dit à son peuple, réservez votre culte à Allah azza wa jalla. Vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. J'ai peur pour vous un énorme châtiment, le châtiment d'une journée énorme. Et son peuple a dit, nous voyons que tu es dans un égarement clair. Voici la réplique. Nous voyons que tu es dans un égarement clair. Et il a dit, ô peuple, je ne suis pas égaré. Je ne suis pas dans l'égarement. Mais je suis le messager du Seigneur des mondes. Je vous ai transmis le message, les messages d'Allah. Et je suis un conseiller pour vous. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Il les appelle vers quoi? Le monothéisme. La base des bases. Il dit, je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Normal, c'est normal, tout à fait normal. Lui, il est messager, il reçoit la révélation. Et eux, voilà. وقال عن عود عليه السلام وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين إلى أن قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Et il nous dit de Houd, alayhi salatu salam, dans cette citation, toujours dans sourate Al-A'raf, Ya Had, la tribu yamanite, leur frère Houd, il leur a dit, ô peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Préservez les droits d'Allah Azza wa Jal. Et son peuple, les dignitaires de son peuple, parmi ceux qui ont mécru, hein, dit, nous voyons que tu es insensé, et nous croyons que tu es un menteur. Il leur a dit, ô peuple, je ne suis ni insensé, je ne suis pas insensé, mais je suis le messager des seigneurs des mondes, je vous transmets le message de mon seigneur, et je suis un conseiller clair pour vous. Je suis un conseiller clair pour vous. Jusqu'à ce que il est dit dans le verset, ils lui ont répliqué ainsi. Ils ont dit, tu es venu pour que nous appelions à réserver notre culte exclusivement à Allah, et qu'on délaisse la voie, ce qu'adoraient nos parents, et nos aïeuls. Ramène le châtiment que tu nous promets. Ramène. Si tu es parmi les véridiques, si tu es véridique, ramène le châtiment que tu dis. Il leur a dit, il va vous arriver le châtiment. Pourquoi? Parce que les conditions du châtiment sont réunies. Ils ont dit monter Allah, ils ont dit monter le messager, ils adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, ils ont envoyé, renvoyé le messager alayhi wa sallam, hein? Il leur dit, vous faites du jidal, vous débattez sur des noms que vous avez appelés. C'est-à-dire, au moins, ils défendent quoi? Ils défendent ces divinités. Et c'est eux qui ont donné les noms à ces divinités. Sinon, vous défendez, vous débattez sur des choses à laquelle vous-même vous avez donné des noms ainsi que vos parents. Et vous n'avez aucune preuve. Et attendez, et je suis là à attendre avec vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui, de Houd, nous l'avons sauvé, ainsi que ceux qui sont avec lui, ceux qui ont cru avec lui, par clémence de notre part, et nous avons anéanti ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui ont démonté les signes d'Allah, Azza wa Jal, qui ont démonté les... ceux qui n'ont pas cru, Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. وقال تعالى عن صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم إلى أن قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Voici صالح avec son peuple, deuxième Thamoud, deuxième Ad. Leur frère صالح leur dit, oh peuple, réservez-vous votre culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. L'éclaircissement vous est venu min Allah Azza wa Jal. Voici la chamelle d'Allah. Hein? Qu'il vous a envoyé comme signe, comme preuve. Laissez-la manger sur la terre d'Allah, dans la terre d'Allah Azza wa Jal. Et ne la touchez avec aucun mal. Sinon, vous allez recevoir le grand châtiment. Et jusqu'à ce qu'il est dit dans le Coran, ils ont tué la chamelle, ils ont dépassé l'ordre d'Allah Azza wa Jal, ils ont transgressé l'ordre d'Allah Azza wa Jal, ils ont tué la chamelle. Ils ont dit à Saleh, ils ont parlé à leur prophète, à Saleh, hein, ramène le châtiment que tu nous as prouvé, si tu fais partie de ceux qui, si tu es un messager. Et le châtiment est arrivé, ils sont rétrécis, bloqués, comme des pierres. Hein, ils sont cloués dans leur maison. Hein? Le châtiment qui est venu les interner, les a bloqués tous là où ils sont. Hein? Et il s'est détourné d'eux et dit, ô peuple, je vous ai transmis le message d'Allah. Je vous ai transmis le message de mon Seigneur. Et je vous ai conseillé. Mais vous n'aimez pas les gens du conseil. Vous n'aimez pas les conseilleurs. وكذلك قال عن إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم لأبي آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Ainsi il nous a dit aussi d'Ibrahim alayhi salam. Quand Ibrahim a dit à son père Hazar, est-ce que tu prends des statues comme divinité? Je vois que toi et ton peuple vous êtes dans un égarement clair. Ainsi nous montrons le royaume des cieux et de la terre à Ibrahim pour qu'il soit parmi ceux qui ont la certitude, le Mouqinin. وكذلك قال عن شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين إلى أن قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين يا أنسي نزدي aussi du peuple de شعيب يا مدين leur frère شعيب il leur a dit oh peuple adorez Allah vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Les éclaircissements vous sont arrivés d'Allah, Azza wa Jalla, de votre Seigneur. Soyez justes dans les balances. Quand vous pesez aux gens, soyez justes. Et ne prenez pas l'échange des gens en trichant sur les balances. Et ne faites pas le mal sur terre après le bien. Ceci est mieux pour vous si vous êtes croyants. Jusqu'à ce qu'il ait dit. Et le châtiment leur est arrivé. Ils sont restés. Aussi bloqués chez eux, la même chose, cloués par terre, sans mouvement, sans rien. Le châtiment est arrivé, il les a anéantis. Ceux qui ont démonté Shu'aib n'ont pu rien faire quand le châtiment est arrivé. Ceux qui ont démonté Shu'aib, ce sont eux les perdants. Et Shu'aib s'est dit tourné d'eux, il a dit au peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur, et je vous ai conseillé, et je n'ai pas à m'attrister sur les gens, les mécréants. Il n'y a pas à avoir de la tristesse sur les mécréants. وقال النبينا محمد عليه الصلاة والسلام قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إلى دي دي نطخ مساجة عليه الصلاة والسلام دي Il m'a été interdit d'adorer ce que vous adorez. Il m'a été interdit d'adorer ceux à qui vous demandez des choses en dehors d'Allah Azza wa Jal, parce que les éclaircissements me sont arrivés de mon Seigneur. Et il m'a été ordonné d'être soumis au Seigneur des mondes, celui qui vous a créé de la terre et d'une goutte de sperme, a pris d'un caillou et il vous a sorti comme enfant pour que vous arriviez à votre force. Et à l'âge d'homme, et après vous soyez des vieillards, et parmi vous ceux qui meurent avant, et parmi vous, et certains, mais pour que vous arriviez à un terme que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, peut-être que vous allez réfléchir. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Et quand il décrète quelque chose, il dit à la chose soit il est. قال تعالى في سورة الزمر قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقوني والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Et dans Surat Zumar, toujours de notre prophète, dit, il m'a été ordonné de réserver le culte exclusivement à Allah. Et que ma religion soit pour Allah, Azza wa Jal. Il m'a été ordonné d'être le premier dissommé à Allah, Azza wa Jal. Dit, j'ai peur, si je désobéis à mon Seigneur, un châtiment, qu'il m'arrive le châtiment le grand jour. Dit, Allah, à Allah, je réserve mon culte exclusivement. Et sincèrement, ma religion Et ça, c'est, je fais ma religion sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Adorez qui vous voulez en dehors d'Allah. Et dit que ceux qui ont perdu, ce sont qui sont perdus eux-mêmes, ainsi que les leurs le jour de la résurrection. Les perdants sont ceux qui perdent tout le jour de la résurrection. Et ça, c'est la plus grande des pertes, et c'est la plus grande des faillites, et c'est la perte la plus claire. C'est que là, d'en haut d'eux, il va y avoir le feu, d'en bas d'eux, il y aura le feu. Et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala fait peur à ses serviteurs. Ô serviteurs, préservez les droits d'Allah. Et ceux qui évitent d'adorer Tarot, tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, Azza wa Jal, et qui reviennent vers Allah, Azza wa Jal, ceux-là, ils ont la bonne nouvelle, min Allah, Azza wa Jal. Et annonce aux serviteurs qui écoutent la bonne parole et qui la suivent, que ceux-là, ils sont guidés, min Allah, Azza wa Jal. Et ceux-là sont doués de raison. Ils ont la bonne nouvelle, min Allah, Azza wa Jal. Et la bonne nouvelle, c'est les délices du paradis, c'est l'agrément, Inch'Allah, Azza wa Jal, c'est ce que aucun œil n'a vu, aucun cœur n'a pu imaginer, aucun oreille n'a entendu parler. وقال عن عيسى عليه السلام وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يدعو عيسى عليه الصلاة والسلام دي أو عيسى دي عيسى دي أو بنو إسرائيل adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui, c'est votre Seigneur. Car celui qui fait un associé à Allah, Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, lui interdit le paradis. Et sa demeure sera le feu de l'enfer, et les injustes n'ont pas d'alliés. Wa qala an Harun alayhi salam annahu qala li qawmi lamma abadu al-ijl, ya qawmi innama futintum bihi, wa inna rabbakum ar-Rahman, fattabi'uni wa ati'u amri, qalu lan nabraha alayhi aakifina hatta yarji'a ilayna Musa. Il a dit de Harun, alayhi salatu wassalam, quand il a dit à son peuple, quand ils ont adoré le veau, il dit, ô peuple, vous êtes éprouvés par ce veau, et votre Seigneur, c'est le clément, suivez-moi, suivez mon ordre. Ils ont répliqué à Harun, alayhi salatu wassalam, nous allons rester adorés, nous allons rester dans l'adoration des veaux jusqu'à ce que revient Moussa, alayhi salatu wassalam. Wa qala an Moussa, alayhi salam, annahu qala li samiri, alladhi akhraj lahum al-ijl alladhi abadu. قال فاذهب فإنك في الحياة فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إلى موسى عليه الصلاة والسلام كنت il a parlé à Samiri, celui qui a construit le veau pour Banu Israël, qu'il leur a demandé de l'adorer. Il a dit, va, en parlant à Samir et Moussa, a dit, va, tu es dans ce bas monde, que personne ne se rapproche de toi. Hein? Et tu as un rendez-vous que tu n'as pas raté, tu ne vas pas le rater. Et regarde, cette divinité sur laquelle que tu as adoré et pour laquelle tu te prosternais, je vais le brûler, je vais le rendre poussière. Car votre Seigneur, c'est Allah, c'est le seul et unique. Hein, et le seul digne d'être adoré. Dans la science, on englobe toute chose. وبال جملة فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان التوحيد أول ما يأمر به ويدعو إليه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. Et dans l'ensemble, chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager ou un prophète, la première chose qu'il ordonne à son peuple, c'est de les appeler vers le monothéisme. C'est la première chose. La citation dans le Coran nous dit, chaque fois que nous avons envoyé un messager avant toi, le messager dit à son peuple, nous révélons au messager qu'il n'est digne d'être adoré qu'au moi, il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adore-moi. C'est-à-dire Allah, il lui donne cet ordre. Il n'y a de réelle divinité et de divinité qui mérite le culte qu'au moi, adore-moi. Et là, c'est l'autre citation nous dit, Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, adorer Allah, réserver le culte exclusivement à Allah, Azzawajal, et éviter tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, Azzawajal. Fait partie de ces peuples, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, fait partie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, Azzawajal, l'égarement. Et donc, et après, on découle la colère d'Allah, Azzawajal. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc il dit aussi dans un autre verset, il t'a été révélé et à ceux qui sont passés avant toi, si tu y associes, si tu fais un associé à Allah, Azzawajal, tes actes vont être anéantis et tu vas être parmi les perdants. Allah, il faut adorer et soit parmi les remerciants. Et, c'est-à-dire les associateurs n'ont pas estimé Allah, ils n'ont pas estimé la puissance d'Allah, Azzawajal, comme il se doit. Hein? Tu vois encore une fois que la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, c'est le monothéisme. Et la chose par laquelle commencent les messagers, c'est le monothéisme. Et de là, quand tu lis ce tout, quand tu regardes ce nombre de versets, hein, ce nombre de versets qu'il y a dans le Coran, ça te montre l'importance du monothéisme et l'importance de commencer la da'wah par le monothéisme. Et de là, il t'apparaît clairement la devise de ceux qui disent un associationnisme qui nous réunit vaut mieux qu'un monothéisme qui nous sépare. Hado, par rapport à ces versets, ils sont où? Et aussi, ceux qui se disent maintenant, hein, t'as autour de toi, ils te disent, mais l'associationnisme qui était cité dans le Coran, c'est l'associationnisme primitif. Maintenant, il y a un autre genre d'associationnisme. C'est l'associationnisme des palais. C'est-à-dire que les savants et les peuples adorent leur gouverneur. Ils sont insensés. Donc ils disent alors maintenant il faut, ce n'est plus, il faut commencer d'awa par combattre les gouverneurs. Voilà ce qu'ils veulent dire. Alors que les messagers, allez Moussa, l'ordre qu'ils ont reçu c'est de réserver le culte exclusivement à Allah Azzawajal. Ils n'ont pas de se révolter contre leur gouverneur. Loin de là. Si c'était ça, le fait de se révolter contre le gouverneur. Imagine par exemple, Moussa alayhi salam, la bataille qu'il a eue avant. Hada, Pharaon, quand Moussa s'est sauvé avec son peuple, Pharaon s'est retrouvé où après, avec son armée? Englouti solo ou pas? Maintenant, imagine, qui est resté en Égypte sur le trône d'Égypte? Quand une armée sort, qui reste derrière? Les femmes, les vieillards, les enfants et les malades. Et quelques armées. Donc ça veut dire que le trône d'Égypte est resté libre. Pourquoi Moussa n'est pas revenu? Si c'était le poste et le gouverneur, c'était combattre à l'associationnisme des palais comme ils veulent, Hadou. Pourquoi il n'est pas revenu là-bas? Prendre le pouvoir alors qu'il était facile pour lui de le prendre. Mais là, c'est une obéissance à Allah. Non, il a fallu qu'il sorte. Il a laissé les jardins, la terre d'Égypte à cette époque était fertile. Laisser des jardins et l'abondance de nourriture, de fruits, etc. Fertilité de la terre et tout, et l'abondance de l'eau, il est allé vers un désert. Parce qu'il ne peut faire autrement que suivre les ordres d'Allah, Azzawajal. Et ceux qui les suivent doivent faire de même. Voilà, quand on lit le Coran, quand on voit la voie sur laquelle étaient les messagers, alayhi salatu wassalam, on a une clairvoyance, mais d'Allah, Azzawajal, on voit clairement l'égarement dans laquelle sont ces da'wats, ceux qui sont sur le terrain actuellement. Et qui sont loin du message d'Allah Azza wa Jal. Et qu'ils sont loin de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال بعد ذلك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité les prophètes alayhi salatu wassalam dans sourate Al-An'am, il dit ça c'est la guidée d'Allah. Il guide avec qui il veut parmi ses serviteurs. Et s'ils associaient, Allah subhanahu wa ta'ala avilira tous les actes qu'ils ont commis. فهنا الشيخ حفظه الله تعالى انتهى من الأدلة القرآنية على تقرير التوحيد، والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذا الأصل العظيم. القرآن هو كتاب التوحيد، ولذلك من أراد دراسة العقيدة الإسلامية فعليه بدراسة كلام الله عز وجل. سبحان الله، كم من أناس أعمى الله بصيرتهم وأبصارهم عن القرآن الكريم، ما يفهمونه ولا يفهمون ما فيه من عقائد، ولو تأملوا في آية واحدة. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه الجملة تكفي لفهم دعوة الرسل، وهي مقتضى لا إله إلا الله. والأدلة كثيرة في تقرير هذا الأصل، وكما قرر ذلك أئمة الدين، القرآن كله في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد وإبطال الشرك واتخاذ الأنداد. دونك ici dans ce passage, الشيخ حفظه الله تعالى a cité, il a terminé la citation de l'épreuve au niveau du Coran, ces versets du Coran qui prouvent que le monothéisme, que le Coran il est en entier, tourne en entier sur le monothéisme, que le Coran du début jusqu'à la fin est un appel vers le monothéisme, et que ça c'est la base des bases, et que le Coran c'est le livre du monothéisme par excellence. Celui qui veut avoir une croyance solide et parfaire son monothéisme, il faut qu'il se penche sur le livre d'Allah Azza wa Jal, avec la compréhension de ne plus ailleurs d'Allah Ali. Combien de gens Allah subhanahu wa ta'ala les a aveuglés, ils se sont détournés du Coran, ils le lisent, ils ne le comprennent pas, ils ne comprennent pas les croyances qu'il y a dans ce livre. Et s'ils méditent un seul verset, le verset qui dit tout prophète est venu dire à son peuple U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Ce verset est suffisant pour attirer notre attention qu'en quoi le culte doit être réservé exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Et ça, cette phrase te permet, si tu es doué de clairvoyance, de comprendre la da'wa des messagers alayhi salatu wassalam, que la base fondamentale de la da'wa des messagers alayhi salatu wassalam, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Que ça, c'est ce que implique le fait de dire la ilaha illallah, réserver le culte exclusivement pour Allah Azza wa Jalla. Et les preuves pour consolider ce fondement sont très nombreuses dans le Coran. Sinon, tout le Coran, il prouve cette base fondamentale qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jalla. Comme l'ont confirmé les imams de ces communautés, que le Coran en entier, il est dans le monothéisme. Donc, l'appel vers le monothéisme et la guerre à l'associationnisme et l'anéantissement de l'associationnisme. واما الادله من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا دعوته بالامر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله تعالى، ففي كتب السنه والسيره النبويه عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسرها وهدمها وبيان عجزها وضعفها عن نصرة من عبدها وألهها، وأن ذاكر منها ما تيسر في هذه العجالة ليعلم منها سوء صنيع من بنى دعوته على غير هذا الأساس وغض الطرف عما ناقضه وهدمه ممن تصدر للدعوة في هذا الزمان، زاعمين أن ذلك لا يخرجهم من حظيرة الإسلام ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ناسين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من النصوص التي لا تحصى والتي تنادي على عملهم بالبوار وعلى صنيعهم بالخسار، حيث هدموا من الإسلام الركن الأعظم وظلوا في دعوتهم عن الطريق الأقوم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ de nous dire, et les preuves dans la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, comme quoi le prophète عليه الصلاة والسلام a commencé sa da'wa en ordonnant le monothéisme et en interdisant l'associationnisme, Et ça, dans les livres d'Yel Sunna et dans les livres du biographie du prophète, il y a des centaines, des dizaines et des centaines de textes qui le prouvent. Voir Rasulullah a commencé par combattre les idoles et par appeler vers le monothéisme et par montrer aux gens comme quoi ces statues et ce qu'ils adorent en dehors de Allah sont faibles, ils peuvent rien, ils peuvent ni donner le bien, ni donner le mal, etc. Et cher de nous dire, je vais citer certains textes, il va citer quelques-uns pour que ça ne soit pas long. Il les cite tout simplement pour nous montrer que le mauvais côté dans les actes de ceux qui négligent le monothéisme dans leur dawa. Et qui se détournent. Tu prends par exemple, tu as certains dont j'aime à te lire dans certains pays, il dit, si tu vois un homme tourner autour d'une tombe et tu veux lui faire dawa, tourne avec lui. Tourne autour de la tombe avec lui. Hein? Est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a tourné autour de la Kaaba avec les associateurs? Il a fait la même chose qu'eux. Hein? Subhanallah. Tu veux lui faire dawa, bah tu tournes avec lui. Tourne avec lui autour de la tombe et tu lui fais dawa. Subhanallah. Pourquoi tu n'attends pas qu'il sorte de là et sans qu'il soit enthousiasme pour son idole, pour l'acte qu'il est en train de faire, etc. Hein? Donc ceux-là, ils se sont détournés. Ils n'appellent pas les gens vers la chose primordiale qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, Azza wa Jal. Et certains prétendent même que le fait d'adorer autre chose qu'Allah ou de vouer un culte ou de s'étaler sur une tombe, du moment que la personne dit « La ilaha illallah » atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le prophète d'Allah, Azza wa Jal, que ceci ne les sort pas de l'islam. Ceux-là, ils oublient la révélation. Celui-là, ils ouvrent les six citations qu'il y a dans le Coran. Ils oublient l'authentique de la sunna du prophète, hein, qui a hanté ce genre d'idées et qui a vili ce genre d'actes. Ceux-là, ils ont donc détruit l'un des principes fondamentaux de l'islam qui est l'appel au monothéisme. Et ils se sont égarés de la da'wa des messagers, alayhi salatu wassalam. Et Cheikh, il dit ici, « Inna lillahi wa inna ila raji'un. » Inna lillahi wa inna ila raji'un, il le dit quand on a une catastrophe. Il a cité une grande catastrophe. Le fait de ne pas appeler vers le monothéisme et d'approuver l'association. Il y a pire que ça? Il n'y a pas pire que ça. Tu y es volé, tout ce qui arrive devant le monothéisme, c'est rien du tout. L'associationnisme, il a ma créance. C'est le pire des péchés. Il n'y a rien plus que ça. Parce que c'est une injustice vis-à-vis d'Allah. Fayaqul le Cheikh, Hafidhahullah ta'ala. Fa. ينبئ الشيخ هنا في هذا الباب على سوء صنيع دعاة يمنعون التوحيد من الدعاة يمنعون الدعوة إلى التوحيد ويحاربون من يدعو إليه زاعمين أن الواقعين في الشرك مسلمون يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حفظه الله هؤلاء نسوا ما تنادي عليه النصوص بالبوار والخسار يا ويحهم وياقب حصنيعهم وعليكم السلام ورحمة الله. يا ويحهم ويا قبح صنيعهم حيث اعترضوا طريق الأنبياء وصدوا عن سبيل الله ومنعوا دعاة التوحيد من تبليغ دعوة الله ورسالته. هؤلاء والله قطاع الطرق، هؤلاء صادون عن سبيل الله، هؤلاء محاربون لدين الله، هؤلاء محاربون لأولياء الله عز وجل. Ici, dans ce passage, Cheikh attire notre attention sur le fait, sur le mauvais acte que font certains qui interdisent le fait d'appeler vers le monothéisme et qui combattent ceux qui appellent vers le monothéisme en prétextant comme quoi que ceux qui sont dans l'associationnisme, ce sont des musulmans parce qu'ils attestent qu'ils n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah Azza wa Jalla. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, que ces gens-là ont oublié les textes, et ce que disent les textes, et le malheur qu'il va leur arriver en agissant ainsi. Des malheurs à ce qu'ils font. Hada, c'est des ténèbres. Leur acte est un acte qui découle des ténèbres. Ils se sont opposés à la voix du messager, alayhi salatu wassalam. Ils se sont détournés de la voix d'Allah, azza wa jal. Ils ont interdit aux prêcheurs d'Allah, aux prêcheurs du monothéisme, de faire leur travail. ils ont interdit ces prêcheurs à transmettre la droit d'Allah et de son messager, alayhi salatu salam. Ceux-là, ce sont des brigands sur la route. Ceux-là, ce sont des brigands sur la route qui détournent de la voie. Ceux-là, ils combattent en réalité la religion d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là, ils combattent les alliés d'Allah Azza wa Jal et de son messager, alayhi salatu salam. Et ceux-là sont nombreux. Combien de nos frères, encore le frère Abbas, commence le livre de monothéisme dans une mosquée. Après, on a dit non, ça y est, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que ça ne plaît pas à la tête de l'Ikhwan, le monothéisme. Hein? Parce que c'est trop pointilleux, parce que c'est trop de règles et parce que ça va réveiller la masse qu'il y a en face. On ne peut plus mettre la main dans leur poche dans ces cas-là. Ils ne peuvent plus nous suivre dans ces cas-là quand ils vont avoir les règles, etc. On était aussi dans le campus, dans l'université du campus, dans la région de Lille. Il y a des jeunes, un jeune mesquin. Il est dans le terrain d'Yel Dawa. Il est vieux dans le terrain d'Yel Dawa. Il vient encore au cours. Il rencontre un de notre jeune qui fréquente notre Moussalla, la salle de prière où se retrouvent les frères. Il ne le connaissait pas. Bah, il lui a dit, d'où tu viens? Je viens de Sissi, etc. Il se trouve qu'ils sont de la même région. Il lui dit, tu pries où? Il dit, je prie à Camus. Ah, Tawhid, Tawhid, Tawhid. Il dit, donc, tu viens à la mosquée, on ne parle que Tawhid, Tawhid. Subhanallah, tu veux qu'il parle de quoi? Et après, Hada, il lui dit, Hada, il mélange la da'wa d'Yel Ikhwan et la da'wa d'Yel Tabligh, les deux, il fait un cocktail, hein, entre les deux. Il lui dit, il faut avoir des diplômes, il faut prendre les postes ici pour changer la situation. Subhanallah. C'est comme ça que ton prophète a fait pour changer la situation de Quraysh? C'est pas ça. T'as voulu prendre les postes. Tu es un gris, tu n'auras pas le poste, tais-toi. Des milliers comme toi, je les ai vus avec le même diplôme que tu as. Soit c'est des gardiens de nuit de sécurité, soit. Mais jamais le poste que tu l'as. Et les exemples sont nombreux. Hein? Et il vient souvent et on discute avec et ils disent. Tous les obstacles qu'ils rencontrent devant eux, etc. Alors arrête, ce n'est pas la voie du messager à l'aise. Tu ne peux rien changer en agissant ainsi. Rien. Mais par contre, tu peux tout changer si tu t'éduques sur le monothéisme et sur l'obéissance à Allah et l'obéissance à son messager à l'aise. Et si tu appelles la communauté à la voie vers laquelle les a appelés Mohammed à l'aise. En commençant par le point de départ de Mohammed à l'aise. Le monothéisme. Et en agissant comme il a fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comme a fait, tu prends la même voie qu'Abou Bakr, qu'Omar, qu'Uthman, qu'Ali, que l'imam Malik, et ceux qui les suivent à la perfection. Pas en décrétant de ta tête des voies d'Yel Dawa qui n'en sont pas. Dawa, c'est des trucs très arrêtés, décrétés. Point final. Il n'y a pas à créer autre chose. C'est une religion. Le fait de faire Dawa, c'est une adoration. Et l'adoration a besoin de deux piliers principaux, à savoir la sincérité et le suivi. La même chose. Il ne faut pas avoir Bac plus 10. C'est simple. La sincérité pour Allah et le suivi du message, alayhi salatu salam. Hein? Avoir à faire des études de marketing avec pour embellir le terrain. Hein? Pour se mettre à jour à la page. Quelle page? On ne te demande pas d'être à la page. On te demande, c'est une révélation. Tu mets nous à l'application ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. Selon tes capacités. Tu ne rajoutes pas, tu ne diminues pas, tu ne défigures pas non plus. Il ne faut pas défigurer la religion de Allah, Azzawajal. Fa'oula yimna'ouna al-tawhid. Kaifa yahouluna bayna al-nas wa bayna... وبين دين الله عز وجل ما أقبح ما صنعوا والله يمنعون الإنسان أن يدعو إلى التوحيد ما أشبه فعل هؤلاء بالمشركين الوثنيين الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوة إلى التوحيد ولكل قوم والد لا إذا انتغديس لفت دابلي ومنوتيس ils se mettent en barrière entre les gens et la religion d'Allah Azza wa Jal. Il maudit l'acte qui cet acte qu'ils font. C'est un acte noir. Ils interdisent aux personnes d'appeler au monothéisme. Et cela, leur acte, il est ressemblant aux actes des mécréants autrefois. Qu'est-ce qu'ils... Ils ont eu la même chose, ils bloquaient. Ils faisaient obstacle contre la da'wa vers le monothéisme. Il y a tout un peuple, son héritier. Chacun hérite de quelqu'un. Il est obligé que tu tiens ton égarement ou la voiture que tu l'as tenue de quelqu'un. C'est pas possible que ça vienne comme ça. C'est que hein, chacun hérite de... Tout un chacun hérite de quelqu'un. وهنا بدأ الشيخ في أحاديث النبوية فلعلنا نقف الآن on va arrêter là inshallah avant de commencer les hadiths les reprendre inshallah après salat al-isha سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم احسن الله لكم جزاكم الله خيرا دوك on prend après salat al-isha inshallah s'il n'y a pas le cours du Cheikh Chalabi c'est le cours